tient à la mer. Tiens la meilleure amère, ma lielle, ciel, le moti mamo même, c'est mangala ouais. Mara me kesse ouais, me tient la mer. Alla la bisa ouais, bono tamalangi. Nara me kesse ouais, me tient la mer. Nara me kesse ouais, me tient la mer. Soir de notre histoire.